Harrops, Michel Thomas, méthode audio anglais, débutant, copyright 2007, contenu Thomas Keymaster Languages LLC, tout droit réservé, enregistrement Hodder & Stoughton. Bonjour et bienvenue. Cette méthode a été transcrite des archives d'enregistrement de Michel Thomas. La méthode que je vous propose et que vous êtes sur le point de découvrir est basée sur une approche innovante et totalement différente de l'apprentissage des langues. En 10 à 12 heures d'écoute, elle vous permettra de communiquer en anglais. Il ne vous sera demandé ni effort de mémorisation, ni apprentissage par cœur, ni exercice. Vous n'aurez pas besoin de prendre de notes, ni de fournir de travail personnel. Tout d'abord, il est essentiel de se détendre et de se libérer des tensions traditionnellement liées au processus d'apprentissage et tout particulièrement à l'apprentissage des langues. L'anxiété et la tension constituent des barrières à un apprentissage efficace. Avant de commencer, deux règles d'or. La première est de ne pas vous inquiéter de savoir si vous avez mémorisé ou non les points abordés et de ne jamais faire d'effort de mémorisation. En effet, c'est la méthode d'enseignement utilisée qui est responsable de ce que vous retenez, pas vous. C'est également pour cette raison que je ne vous donne pas de devoir. Il est important de ne pas essayer de reprendre, même mentalement, ce que vous avez appris. Les informations doivent être absorbées et assimilées afin de former de nouvelles connaissances. Les connaissances bien acquises ne s'oublient pas. La deuxième règle d'or n'est pas moins essentielle. Dans cette méthode, je fais appel à deux étudiants qui me permettent de créer une situation pédagogique pour trois personnes. Le troisième étudiant, ce sera vous. Très rapidement, vous vous associerez aux deux étudiants de l'enregistrement. Chaque fois que j'introduis un nouveau concept, j'en explique le fonctionnement et je vous aide à formuler vos pensées en phrases. Courtes pour commencer, elles deviendront de plus en plus longues et complexes. Lorsque je demanderai quelle est la traduction anglaise de tel mot ou telle phrase, il vous faudra utiliser la fonction « pause » de votre lecteur de façon à bien réfléchir à la réponse avant de la donner. Au début de la méthode, un signal sonore vous indiquera que c'est à vous. Vous pourrez ensuite reprendre l'écoute de l'enregistrement pour entendre la réponse de l'un des étudiants que je répéterai systématiquement. La dernière version que vous entendrez sera toujours celle que j'aurai donnée. Grâce à cette nouvelle méthode qui vous fera prendre conscience de vos progrès au fur et à mesure de votre apprentissage, l'acquisition de connaissances deviendra une activité passionnante, stimulante et très gratifiante.